Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Deux personnes ont été enlevées, deux personnes adultes de la colline Vaugizon, commune Moutimbouzi, dans la province de Bujumbura. Ils ont été enlevés par des inconnus dans la matinée de ce lundi sur le sol congolais, selon les sources policières. Cet enlèvement est le deuxième dans une période d'une semaine et quelques jours. Nous y reviendrons dans le développement de ces titres. Alors qu'un Timbaran saccagé du nom de celui qu'il est convenu d'appeler l'icône du tambour burundais a été enterré ce lundi à Gitega, sa province natale, beaucoup d'honneurs lui ont été réservés par le gouvernement burundais qui s'est fait représenter par le ministre de la Culture. Et un des membres de la commission qui était chargée des indemnisations des familles se trouvant dans le périmètre du nouveau palais présidentiel à Gasségni est sous interrogatoire au parquet près la cour anticorruption. Il aurait détourné d'importantes sommes d'argent. Et le ministère de l'Intérieur vient de mettre en place un cadre permanent de dialogue entre les partis politiques, les confessions religieuses et les organisations de la société civile. Et c'est une des principales réalisations de ce ministère pour le premier trimestre de cette année. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Deux personnes adultes de la colline Vaugizon, en commune Moutimbouzi, dans la province de Bujumbura, ont été enlevées par des inconnus dans la matinée de ce lundi sur le sol congolais, selon les sources policières. Le porte-parole de la police burundaise qui confirme cette information indique que le sexagénaire Nihende Bernard et son épouse Ndikumagenge Emilienne se rendaient de l'autre côté de la RDC pour récolter dans leur champ vivrier. Et ce kidnapping est le deuxième dans une période d'une semaine et quelques jours. Deux autres individus, un prêtre de la paroisse Gatumba y compris, ont été enlevés par des hommes armés qui venaient de tendre une embuscade à un bus de transport en commun sur la route Bujumbura-Gatumba, en zone Rukaramu de la même commune de Moutimbouzi. Pierre Nkurikiye indique que les enquêtes sont en cours pour tenter de retrouver toutes ces personnes toujours introuvables. Enterrement ce lundi 17 avril à Gitega de l'icône du tambour burundais intime Baran Sakage. Cet homme natif de Gishora en commune de Giheta de la province Gitega a rendu l'âme dans la nuit de dimanche 9 avril 2017. Intime Baran Sakage a consacré sa vie au tambour du Burundi. Il avait sillonné le monde à représenter le pays à travers ce patrimoine culturel qui est par ailleurs devenu patrimoine de l'UNESCO en 2014. Au cours des cérémonies funéraires de ce lundi, le gouvernement burundais a été représenté par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Intime Baran Sakage a rendu l'âme à 81 ans et que la terre lui soit légère. Isanganiro. Un cadre permanent de dialogue entre les partis politiques, les confessions religieuses et les associations a été mis en place par le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique. C'est un des points dégagés par Pascal Barandaguié, ministre de l'Intérieur, lors de la présentation des réalisations de son institution pour le premier trimestre 2017. Suivez Pascal Barandaguié. Nous avons pu organiser des réunions de sécurité et d'opérationnalisation des comités mixtes de sécurité humaine à tous les niveaux, au niveau des marchés, au niveau des écoles, au niveau des parkings, mais aussi cette fois-ci au niveau des églises. Nous avons pu vulgariser le registre de la population ainsi que les cahiers de ménage. Nous avons pu aussi organiser un cadre permanent de dialogue entre les partis politiques, les confessions religieuses et les ASPR. C'est ainsi que nous avons aussi lancé les activités de l'organe de régulation et de conciliation des confessions religieuses. Et dans le domaine de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la mobilisation des finances communales, il y a eu inspection des finances communales et organisation des journées ou mois témoins pour la mobilisation des finances communales. Il y a eu aussi mise en place d'une commission chargée d'élaborer des textes de mise en application de la loi du 3 avril portant réforme de la fiscalité communale. Et cette commission est maintenant à pied d'œuvre en ce qui concerne les textes d'application. Le ministre Pascal Barandagic. Les familles récemment expulsées du périmètre du nouveau palais présidentiel à Gasségni, en commune Moutimbouzi de la province Bujumbura, éprouvent beaucoup de difficultés de survie après la destruction de leur maison. Ces personnes manquent presque de tout du moment qu'elles affirment n'avoir pas été indemnisées. La radio Isanganiro a rencontré une de ces personnes et c'est un reportage signé Pascal Niyangonze. C'est l'un des anciens propriétaires des maisons démolies à Gasenyi. Il est assis sous un arbre dans un ménage qui héberge sa famille, non loin de son ancienne habitation. Il dit qu'il n'a pas où aller, faute d'argent. Comme c'est la maison d'un ami, je lui ai proposé de loger mes enfants et moi je passe la nuit dehors. Le chef de famille fait savoir qu'à côté du manque d'argent pour payer le loyer, il lui est même difficile de trouver quoi mettre sous la dent pour sa famille. On ne peut pas aller louer des maisons. Si on avait des moyens, on devrait quitter. On a trop souffert ici. Nous ne pouvons pas même aller chercher de quoi manger suite à des problèmes. Nous nous occupons de veiller sur nos biens. Tu vois que je les déplace dans une autre parcelle. Nous n'avons pas de moyens. Sinon, on allait chercher une occupation pour gagner de quoi manger. Cette famille a 4 enfants. On est à 10 heures. Pas de marmite sur le feu. La mère des enfants est dépassée. On ne peut pas cuisiner suite à des problèmes, mais nous n'avons aucun moyen. On ne peut pas aller travailler, on reste tout près de nos biens. Il peut y avoir d'occasions où les enfants obtiennent de quoi manger. S'ils en manquent, ils restent comme ça. Car avoir 4 enfants, par exemple, et manquer le logement, pour eux, c'est un grave problème. Il y a des moustiques partout dehors. On a de gros problèmes. Nous avons nos propres logements et ils nous ont mis sans même nous montrer où on peut aller avec nos enfants. Maintenant, nous sommes dans les rues alors qu'auparavant, nous avions nos propres maisons. Cette famille demande d'être écoutée. Nous demandons au gouvernement et surtout au président de la République de penser à nos enfants. Nous sommes des Burundais, des citoyens patriotes. Nous aimons notre nation. Que toute personne pouvant aider dans cette affaire fasse son possible pour nous venir en aide. Nos enfants sont en train d'être piqués par les moustiques. Nous n'avons pas où aller, pas même d'argent pour le loyer. Cette famille est l'une des 23 qui ont déménagé mardi de la semaine passée à Gasenyi. Leur maison a été démolie sans avoir bénéficié des indemnisations. Pascal Nyoyankonze, dans une déclaration publiée par la Cour anticorruption et lue vendredi à la Radio-Télévision nationale du Burundi, l'ont fait savoir que le principal accusé dans le détournement des indemnisations qui étaient destinées à ses déshérités de Gasenyi a déjà été arrêté et se trouve sous interrogatoire au parquet près la Cour anticorruption. Tout élève se trouvant dans une classe à concours national ou à examen d'État qui aura un échec en conduite au total annuel verra ses résultats annulés, même quand il aura réussi. Dans une note circulaire sortie par le ministère de l'Éducation, la ministre Ndiraïcha Janvière précise que concernant les élèves des autres classes qui n'organisent pas le concours national ou l'examen d'État, l'élève qui aura un échec en conduite sera exclu et ne pourra redoubler l'année qu'à un autre établissement. Cette décision a été motivée par le fait qu'il s'observe des élèves qui affichent un comportement d'arrogance ou d'insolence sous prétexte qu'ils sont autorisés à passer le concours ou l'examen d'État. Et Audace Niyonzima a été nommé commissaire général de l'Office burundais des recettes, OBR. C'est un décret présidentiel datant du 14 avril 2017. Cet ancien cadre de la Banque centrale, la BRB, remplace Léonard Senhore à la tête de cet office. Léonard Senhore était patron de l'OBR depuis le 9 juin 2016. Enfin, du sport, pour terminer ce journal, 3 formations de football évoluant en première division, à savoir Lydia Ludic, Atlético Olympique et Vitalo, rivalisent pour la première place du championnat en cours. Au moment où il ne reste que 4 matchs pour chaque formation qui participe à ce championnat pour 2017, L'équipe militaire Muzinga est classée 16e et dernière du championnat. Et si rien ne change, cette formation pourra chuter l'année prochaine en 2e division. L'actualité sportive avec Evariste Nzikobanyanga. Le championnat de football en première division était en sa 26e journée en fin de la semaine passée. Vendredi, au stade des Princes de Gwagasore, Magara Star Durumonge s'est imposé contre Ter Star sur le score de 2-0. Samedi, au stade de Ruyigi, Flambeau de l'Est a battu Olympic Star de Muyinga 2-0. Au stade Pispak Stadium de Makamba, Aigle Noir a battu Musongati de Gitega sur le score d'un 1-0. Ce samedi même, et cette fois-ci au stade des Princes de Gwagasore, deux classicos étaient attendus par le public de Bujumbura. À 14h, l'Idéalidic a croisé le fer avec Messager Bujumbura. Ce match s'est soldé sur le score vierge de 0-0. À 16h, c'était le tour d'Atletico et Vitalo. Ces deux clubs avaient la mission de gagner le match pour rattraper l'Idéalidic Burundi, ce qui n'a pas eu lieu. Les deux formations ont fait un but partout. Ce dimanche en Ngozi, au stade d'Agasaka, les Lières de Bujumbura a battu à domicile Ngozi City, 1-0. À 14h au stade des Princes de Gwagasore, Messager Ngozi a battu Muzinga, 1-0. Et à 16h, Buja City s'est imposé 3-0 contre Rusizi FC de Chibitoke. Avant les quatre dernières journées du championnat en cours, l'Idéalidic Burundi Sport for Africa est provisoirement classé première avec 56 points. Atletico Olympique est deuxième avec 54 points. En troisième position vient la formation de Vitalo avec 52 points. Aigle Noir est quatrième avec 47 points. Messager Ngozi est cinquième avec 44 points. L'équipe militaire Muzinga est en dernière et 16e position avec 19 points. Evariste Nzikobanyanga, c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. Deux personnes adultes de la colline Vogizo en commune Mutimbuzi dans la province de Bujumbura ont été enlevées par des inconnus dans la matinée de ce lundi sur le sol congolais selon des sources policières. Et ce kidnapping fait le deuxième en l'espace d'une semaine et quelques jours. Deux autres individus, dont un prêtre de la paroisse Gatumba, ont été enlevés par des hommes armés qui venaient de tendre une embuscade sur la route Bujumbura-Gatumba. Un timbre saccagé du nom de celui qui est convenu d'appeler l'icône du tambour burundais a été enterré ce lundi à Gitega, sa province natale. Beaucoup d'honneurs lui ont été réservés par le gouvernement qui s'est fait représenter par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Et un des membres de la commission qui était chargé des indemnisations de famille se trouvant dans le périmètre du nouveau palais présidentiel à Gasegni et sous interrogatoire au parquet près la cour anticorruption, il aurait détourné d'importantes sommes d'argent. Et le ministère de l'Intérieur vient de mettre en place un cadre permanent de dialogue entre les partis politiques, les confessions religieuses et les organisations de la société civile. Et c'est une des principales réalisations de son ministère pour le premier trimestre de cette année. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Nduimana, passez une très bonne soirée.